Je vous montre pour commencer ce très joli haut chemisier, haut plutôt. Alors, je l'ai repassé, j'ai eu un doute. Je me suis dit, est-ce que ça ressemble à de la soie quand on le porte, quand on le touche, comme ça, c'est très soyeux en fait. Et même, vous voyez, au niveau de la fluidité, ça ressemble à de la soie. Et puis, j'ai regardé l'étiquette, c'est pas de la soie, c'est du polyester. Mais vraiment, quand on le regarde comme ça, eh ben écoutez, on a vraiment, c'est bluffant, on a l'impression que c'est de la soie. Vous avez encore une fois un petit bouton ici. Et on va l'essayer. Il est magnifique ce petit haut décolleté comme ça. Je trouve ça trop, trop, trop élégant. Donc ça arrive là. Et on va essayer ça avec le pantalon. Alors là, c'est un pantalon large, encore une fois. Moi, je suis fan, fan, fan. Des pantalons larges en taille S et la ceinture. Faut que je retourne la ceinture. Alors, ce qui est bien en plus avec Shein, je sais pas pourquoi, mais j'ai de la chance. À chaque fois que je choisis des vêtements, ils sont tous à ma taille. C'est rare, à part j'ai juste fait l'ourlet de la jupe, de la robe bleue là, mais sinon les pantalons, écoutez, c'est rare quand j'ai besoin de faire un ourlet. Bon, après ça ne me dérange pas de le faire, j'aime bien, donc je me mets un petit film sur mon lit tranquille et je fais mon petit ourlet, donc c'est pas un problème, mais c'est vrai, j'ai remarqué ça. Là c'est pile poil, la longueur est parfaite. Et voyez le pantalon que j'ai reçu du costume vert là à carreaux. Bah, j'aurais aimé qu'il soit aussi long comme ça, et en fait il est un petit peu plus court. Et moi j'aime bien les pantalons quand ils arrivent au niveau de la chaussure, vous voyez. Donc la ceinture se présente comme ça. Elle est très jolie, c'est la ceinture. Très jolie, vous avez des poches. Et c'est encore une fois un pantalon large. Et voyez avec le petit haut comme c'est joli, ça va très bien. Et encore une fois, très élégant. Magnifique. Voilà, j'adore. Trop beau, très joli. Parfait. Et je vais vous montrer, j'ai reçu aussi toujours de la marque Motif. On ne cherche pas une équipe qui gagne. Toujours, je pense aussi un petit bouton. Cette petite veste aussi, c'est pareil, je la vois depuis hyper longtemps. Je crois que ça fait un moment qu'elle est sur le site. C'est pas une nouveauté. Et je me suis dit, alors moi j'aime bien quand tout est coordonné. J'aime bien les ensembles, mais cette veste est vendue. En fait, on peut la porter aussi bien avec un pantalon noir ou avec un jean, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai qu'en plus, elle est chaude, elle est en tweed. Vous voyez, le mois dernier, j'avais reçu un pull à col roulé en cachemire qui est magnifique et ça passerait super bien avec. Alors, et là, vous avez deux boutons. Elle est trop belle, cette veste. Hop, vous voyez, trop, trop belle. En hiver, on peut la mettre sous un manteau. Et puis, donc, vous pouvez l'attacher comme ça, là. Vous pouvez la fermer. Donc, vous avez des boutons ici et vous avez des boutons ici. Mais vous pouvez aussi bien la porter au printemps ou en automne, comme ça, seule, avec une jupe droite noire, ou un pantalon comme ça, ou un jean. Vous pouvez la porter comme vous voulez, en fait. Et c'est vrai que j'ai trouvé qu'elle était très très belle. Et s'il y avait eu le petit short avec pour la petite jupe, ça aurait été sympa. Mais non, elle est vendue séparément, elle est vendue seule. Mais vraiment, c'est très joli, très très joli. Et voyez, tout est doublé derrière. Et c'est chaud, c'est pas une matière qui est fine. Non, non, la veste est chaude, elle est épaisse. Je la trouve trop belle. Je regrette pas, être trop trop belle. Je suis super contente, vous voyez, jusqu'à maintenant là. Bah écoutez, encore une fois, que des coups de cœur. Hop. Alors ma fille, elle me dit, maman, s'il y a des choses que tu veux pas, tu me le dis, hein. Mais je dis là. En plus, je viens de les recevoir, donc je vais en profiter un petit peu avant de te les donner quand même. Alors là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est un petit chemisier, alors qui est transparent. Il est transparent, il est très beau, il est très joli. Je l'ai trouvé très élégant à mettre avec un body noir ou un soutien-gorge. Vous voyez, j'avais acheté chez Shein des soutiens-gorge en simili-cuir. Alors là, vous voyez, c'est la bonne occasion pour les mettre. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc là, j'ai mis un soutien-gorge en 6 millicuir de chez Shein. Et vous voyez, quand vous avez des chemisiers comme ça, vous ne pouvez pas porter. Alors, ou vous mettez un petit chemisier en soie aussi, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Un petit chemisier, un petit soutien-gorge qui se voit. Je trouve ça super joli, c'est original. Et puis là, vous le portez avec. De toute façon, vous savez, vous le portez par exemple avec cette veste. Voilà, vous portez comme ça avec cette veste, on va rien voir du tout, hein. Donc il n'y a pas de souci. Moi, ça, franchement, moi ça me dérange pas du tout. Petit body en dentelle aussi. Vous portez un petit body en dentelle dessous, ça va être très joli. Mais avec une petite veste ou avec aussi un perfecto, c'est super joli. Voilà. Donc moi j'adore. Trop beau. Le petit chemisier est magnifique. Vous avez des petites manches bouffantes. Et bon, là pour tout de suite. Il faut mettre une petite base dessus parce que ça, il fait un peu frais. Mais sinon, bah écoutez, c'est impeccable. C'est très joli. Ensuite, j'ai. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris. Encore une petite folie. Je l'ai vu sur la. Je l'ai vu sur le mannequin. J'ai dit, waouh, trop, trop belle cette robe. Et puis voilà. Donc, alors, encore une fois, je ne sais pas quand est-ce que je vais la porter. Mais bah, peut-être en été, je ne sais pas, on verra. Mais je la trouve superbe. C'est de la marque Glam Makeup. Alors, Glamacare. Voilà. Bon, elle est super belle. Hein. Vraiment, je la trouve trop belle. En été, je la mettrai, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer ce que ça donne, je la trouve trop belle. Vous avez aussi une ceinture avec. Alors, vous avez une ceinture. Oh, par contre. Les petits se calent, là, ils s'attrapent à mon collant. Une ceinture avec du doré dessus, elle se présente comme ça. Alors, encore une fois, la taille est parfaite. La longueur est parfaite, j'ai pas besoin de faire doré, ça c'est super parce que là j'aurais été un petit peu embêtée. Ah, c'est du tulle, si, si, il faut le couper, c'est tout. Et après, faire rouler de la doublure. Elle a une petite ouverture sur le côté de la jambe. En été, pour aller au restaurant le soir, pourquoi pas. Oula, par contre, ça s'attrape à mon collant. Mais je la trouve super jolie. Avec des manches longues comme ça, là, j'adore. Trop belle. Celle-là aussi, c'est un coup de cœur. Magnifique. Voilà pour ça. Ensuite, on va continuer avec toujours de la marque Motif. Cette fois-ci, c'est un petit haut qui est superbe. Je vais vous montrer ça. Celui-là, je le connais, je l'ai déjà en marron et j'avais envie de le reprendre en noir parce qu'il est trop beau et il tombe très très bien. Il est très élégant. Je vais vous montrer ça. Je porte le même pantalon que tout à l'heure, le noir là, de la marque Motif. Et ce petit haut, il est superbe. Je vous le conseille vraiment parce que il est beau. En plus, vous avez un grand décolleté, là, voyez. Voyez, avec cet ensemble, avec ce pantalon, en total look noir. Hein. Et avec la petite veste que j'ai reçue, voyez, ça va super bien. Voilà. Superbe. Et là, si vous ne voulez pas. Bon, là, j'ai pas de soutien-gorge, vous voyez. Mais j'ai acheté vous savez, des scotch pour mettre sur le côté, là, pour éviter que l'on voit la poitrine. Mais sinon, vous pouvez aussi bien mettre une petite épingle, là, pour éviter que le décolleté soit trop plongeant. Mais je trouve ça très, très beau, en fait. Je trouve ça vraiment élégant, j'adore. Celui-là, je l'adore. Je vous dis, je l'ai en marron. Je l'ai. De cette couleur, vous voyez, et je le porte très souvent parce que je trouve ça très bon. J'ai aussi, alors, ah oui, un autre body. Alors là, cette fois, j'en ai commandé un petit peu parce que il y avait de très jolis bodys. Donc celui-là, il a des sequins partout, il est magnifique, très joli. Et voyez en bas, il est comme ça. Donc, je me change et je reviens vers vous. Voilà, alors ça se présente comme ça. Alors là, il me semble qu'il y a... Non, c'est juste, en fait, c'est juste fermé avec une piqûre. Mais si vous pensez que le décolleté n'est pas assez plongeant, vous pouvez le découdre, il n'y a pas de souci, et descendre un petit peu. Ça se présente comme ça, c'est très joli aussi, très élégant encore une fois. C'est un petit... Alors par contre, ça gratte un petit peu là. Les sequins dessous, là, ils grattent. Il faut pas être sensible, mais c'est très joli, voyez. C'est un peu transparent au niveau des bras. Et là, c'est ouvert, voyez. Donc là, je pense que encore un petit point. Moi, je descendrai un tout petit peu là, jusqu'à là, là. Et je ferai un petit point quand même pour... Parce que j'aime pas trop quand ça s'ouvre comme ça. Très, très beau. J'aime bien. Tous ces sequins, là, je trouve ça très beau. Ensuite, j'ai presque fini. Alors là, j'ai une très jolie robe. Jupe, elle est magnifique. Toujours, je crois que c'est motif, toujours. Je l'ai présentée à IS, elle est superbe. Celle-là aussi, quand je l'ai vue, j'ai craqué. Je vais vous montrer ça. Alors, celle-là, elle est belle. Elle est super jolie. Et ça va bien avec ce ceci. Il faut vraiment que je ferme là parce que ça me gêne que ce soit ouvert comme ça. Dès qu'on s'assoit, vous voyez, on voit de dessous, là, c'est pas joli. Mais alors, voyez, l'ensemble va très très bien. C'est magnifique. Cette jupe, elle est très élégante, encore une fois. Je trouve que c'est hyper élégant. Voilà. C'est une jupe droite avec une ouverture au niveau de la jambe. Vous voyez, donc je la trouve très sexy aussi. Et. Vous avez des boutons en fait qui sont sur le côté là, voyez, vous avez des boutons et il y a un petit bouton de plus encore une fois, donc c'est très joli. Je l'ai choisi en taille S, c'est la taille qu'il me faut, c'est parfait. Et mais je la trouve trop belle. Ce body là avec la robe, avec la jupe, ça ira très très bien. Et même le body, même le petit haut noir. Celui-là, là, avec le grand décolleté, avec cette robe, c'est super, super féminin. Celle-là aussi, ça a été un coup de cœur quand j'ai vu sur le site. J'ai dit, elle est trop belle. Ensuite, on a presque fini. J'ai que des chaussures. Je vais juste vous essayer les petites chaussures. Celle-là, je vais les porter. Alors, on peut les porter avec un jean. C'est des chaussures, vous hein, voyez. On peut les porter avec un jean. Moi, la dernière fois, j'avais reçu un ensemble en laine de la marque Motif, toujours, qui est magnifique. Et je les voyais bien, en fait, avec cet ensemble. Mais avec un jean aussi, ça ira très, très bien. Même pour rester à la maison, vous voyez, comme pantoufle, je les trouve hyper, hyper originales. Et on est vraiment bien dedans. La taille est parfaite. Bon, c'est parfait. Moi, je me suis pris un sac aussi en moutmout comme ça, là, beige, qui est superbe, je l'adore. Et là, quand je les ai vus, j'ai dit non, mais elles sont trop mignonnes, quoi. Pour porter avec un jean, mais c'est trop cool. Voilà. Après, il ne faut pas qu'il pleuve, mais s'il ne pleut pas, pour être. Moi, le dimanche, je vous l'ai dit, je fais mon tire-passage le matin. Mon mari fait le ménage. Et puis après, on va se boire une petite tisane, une petite camomille dans un petit salon de thé avec un petit croissant. Et pour être cool et tout, c'est génial. Elles sont super belles. Très, très jolies. Ouais. Hyper original, j'adore. Et dernière paire, j'avais envie d'avoir des petites chaussures plates. Et là, j'ai trouvé ces petites paires de chaussures qui sont très jolies aussi en tweed. Elles sont pointues comme ça. Elles ont des petits froufrous là sur les côtés là. Et je me suis dit que des fois aussi c'est pareil pour aller faire des courses. Il y a des fois où j'ai un peu mal aux pieds en fait. Et j'aime bien mettre des petites chaussures plates pour sortir aussi. Même avec un pantalon large, si j'ai envie d'être un peu plus décontractée, pourquoi pas. Et je les ai trouvées aussi très jolies. Voilà, comme ça. Elles sont très jolies. Avec le petit pantalon à passe, là, large, ou le pantalon similicure marron. Ça ira très très bien aussi. Elles sont très jolies, j'aime beaucoup. Voilà. Et là, pour les chaussures, écoutez, En général, je fais du 35. Je fais du 35, mais il y a tout, toutes les chaussures ne sont pas en 35. Alors j'ai pris la mesure de mon pied, je crois que je fais 23 cm, je ne m'en rappelle plus. Mais vous avez le guide détail aussi pour les chaussures. Et vous prenez la taille de de vos pieds et vous regardez tout simplement. Donc il y a certaines marques en fait qui font un 36 mais petit. Il y a plein de chaussures qui sont très jolies mais que je ne peux pas prendre parce qu'il n'y a pas ma taille en fait. Voilà. Mais celle-là, si, sinon ça va. Impeccable. Merci encore à Chine pour ces petites pépites. J'adore, j'adore, j'adore, j'adore. Vraiment, merci beaucoup. Je suis vraiment fan de tout ce que j'ai reçu. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas que vous avez un code promo en barre d'infos qui est valable toute l'année. Et vous avez tous les liens des articles en barre d'infos également. Si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous avez craqué sur un article, profitez de mes codes promo. Hein, c'est toujours ça de prix. Voilà. Et puis, écoutez, moi, je remercie Chine pour ses pépites, pour ces partenariats qui sont super. Et puis, normalement, bah, au mois prochain, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle sélection.